La délégation de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, conduite par son président Choi Tae-bo, a quitté le 22 courant Téhéran, capitale de l'Iran, au terme de sa visite officielle et de sa participation à la 6e conférence internationale en faveur du peuple palestinien tenue dans ce pays.